listening to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe Helicopters avec la ressortie de cet album Grande Rock, originellement paru en 1999. On a ici le jeu des différences puisqu'on retrouve l'album original en bonus avec un titre de High Energy Rock and Roll, The Electric Index Hill, du plus bel effet. Donc dans Overdrive, on aura une interview un peu plus tard d'un excellent groupe, un groupe phare de la scène française. Pour l'heure, on sort le dernier album de Judas Priest, Invisible Shield, qui vient de sortir aujourd'hui même. C'est une petite bombe, les amis, vraiment. Si vous aviez aimé l'album Firepower paru en 2017, à mon sens, ce Invisible Shield le surpasse en tout point. On a ici une prod absolument dantesque, toujours faite par Andy Snip. Les guitares de Richie Faulkner sonnent à merveille. Et puis, on peut souligner la performance de Rob Halford, qui a bientôt 75 ans, nous offre vraiment un digne successeur de Painkiller, rien de comme moi. Ce sera le morceau The Serpent and the King qu'on envoie tout de suite dans Overdrive Radio Dio. Who's the lead? Yes, Judas Priest avec The Serpent and the King, paru aujourd'hui même sur Invisible Shield. Je l'ai dit en début d'émission, ce soir, on a la chance d'avoir Mousse de Mass Hysteria avec nous à l'autre bout du fil. Il nous présentera son concert de la semaine prochaine, ce sera le 15 mars prochain au fil de Saint-Étienne. Alors Mousse, est-ce que tu nous entends bien et est-ce que c'est confort dans ton petit téléphone ? Moi je suis impeccable, je vous entends super bien. Et donc salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et puis bonne soirée à tous en notre compagnie. Eh ben merci à toi en tout cas pour ton coup de fil. En tout cas, félicitations Mousse pour ta carrière et particulièrement pour cette tournée qui est un peu une tournée de la consécration vu le nombre de sold out que vous faites en France. C'est tout simplement hallucinant. J'ai d'ailleurs entendu de la part du fil un peu plus tôt dans la soirée qu'il ne restait plus beaucoup de place pour le concert de la semaine prochaine. Donc on en sera peut-être également du côté du sold out, du côté du fil de Saint-Étienne. Alors, si tu le veux bien, on peut revenir sur la sortie de Tenace Part 1 and Part 2 au cours de l'année 2023. Vous avez fait le choix, pour ceux qui ne le savent pas, de sortir un diptyque composé de 7 morceaux chacun, divisé à peu près de manière égale, avec une sortie environ 6 mois d'intervalle. Il y en a un qui est sorti au printemps et l'autre à l'automne. Et penses-tu qu'il est important de nos jours d'avoir des sorties peut-être un peu plus courtes mais également plus régulières pour justement garder un petit peu la fanbase à l'écoute, on va dire? Je pense que oui, c'est pas la solution, mais moi, nous, ça nous paraît une bonne option en tout cas, et il y a plein de choses qui le prouvent, mais après voilà, c'est pas la solution encore une fois, mais je pense qu'on nous va se diriger peut-être vers quelque chose comme ça dans un futur proche. Je sais pas, on n'y a pas réellement pensé, on n'a pas un avis tranché là-dessus, mais je trouve que voilà, dans les discussions, c'est un peu ce qui se dégage et on n'a pas tranché encore, mais pourquoi pas parce que voilà, puis même je vois nous au sein de Mass Hysteria, même les plus gros acheteurs de CD et les plus gros consommateurs de musique que sont Yann, Rafa ou Jamie ou Fred, enfin tout le monde en fait, mais Jamie, Rafa et Yann sont vraiment c'est des ogres quoi. Et eux, ils le constatent aussi, eux, alors c'est des briscards, tu vois, Jamie est plus jeune que nous, mais Rafa et Yann, bon, tu vois, on est des cinquantenaires, ils revoient, même eux, ils se rendent compte que voilà, ils n'écoutent plus les albums comme avant, à moins, voilà, des albums hyper attendus, de groupes spécifiques, mais dans la consommation courante de musique, un peu, tu vois, de façon un peu générale, hein, qu'on font tous les styles, on écoute un peu le dessus de l'iceberg, et si vraiment on est hameçonné, on va écouter tout l'album, mais peut-être que voilà, maintenant les jeunes ils écoutent entre guillemets le titre qui sort, on va dire le single. Nous, ça ne nous concerne pas trop, ce genre de truc, mais voilà, je sais pas, pourquoi pas, voilà, c'est pas délirant de penser comme ça en fait. Puis, alors il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans peut-être, j'aurais dit mais ça va pas quoi. Je pense qu'il... à l'ancienne quoi, on va sortir un album, bim, 10 morceaux, voilà, on va faire une tournée, mais voilà, comme on l'a fait là, ça nous a prouvé que ça fonctionnait, puis en plus la maison de disque elle est aux anges, parce que c'est pas elle qui a pensé, et de façon économique, on va dire, ou commerciale, c'est plus avantageux d'avoir deux actualités en une, tu vois, de diviser l'album en deux. Donc voilà, je veux pas te mentir, hein, je te parle aussi de l'aspect commercial d'un point de vue des labels, eux ils préfèrent ça en fait. Bah oui, puisque le label cherche à pousser un petit peu le groupe d'une façon régulière plutôt que d'avoir, on va dire, un grand moment qui est la sortie de l'album et ensuite, bien sûr, une tournée. Mais entre les deux, il se passe peut-être pas grand-chose. Il y a des singles qui sortent. La difficulté de nos jours, c'est d'arriver à garder une certaine façon d'omniprésence un petit peu sur la scène. En tout cas, ce que vous avez réussi à prouver à faire grâce, bien entendu, aux nombreuses tournées que vous avez faites un peu plus tôt. Alors, je sais également autour de la sortie de Tenace, vous avez, nous aviez parlé de la sortie des deux albums réunis en un vinyle, il me semble. Qu'est-ce qu'il en est là-dessus en ce moment? C'est en projet, je t'avoue. Bon, ça, c'est encore le label, mais comme on est très à cheval sur le on va dire la pochette, le comment ça va être, ça demande un vrai travail. On a mis ça un peu de côté, on ne perd pas ça du tout, évidemment. Bon, là, on travaille beaucoup déjà sur les dates là, que tu disais tout à l'heure, qui sont hallucinamment complets. C'est un truc de fou. Mais on travaille aussi sur le Hellfest. Sur la main stage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare un an en avance. Et nous, là, on nous a dit qu'on jouait avant Metallica, 6 mois avant. On était super contents, mais à la base, on ne devait pas jouer cette année, nous, Hellfest. On devait jouer l'année prochaine. C'était ça, le deal. Alors, je lâche des infos comme ça, puis mais je vous mets dans la confession. Et bon, qu'on ne peut pas refuser. On nous dit, voilà, vous faites la main stage avant Metallica. T'es là, quoi? Ben oui. Mais bon, c'était assez 6 mois avant, et c'est deux fois, on va dire pour nous, c'est un défi deux fois plus grand que la dernière fois, qui était déjà énorme, quand on a joué juste avant Gojira, quand c'était le French Day, là. Et on avait déjà mis un an à préparer la date de la dernière fois, et on avait mis vraiment les petits plats dans les grands. Donc voilà, oui, je digresse un peu, mais j'argumente pour dire pourquoi on n'a pas sorti encore on ne s'est pas penché vraiment sur le l'album dans sa totalité des 14 titres avec une pochette encore différente. Mais on y est, on y pense évidemment. On y pense évidemment, mais j'ai pas de date. Il y a rien, loin d'avoir une date de sortie, c'est ça que je veux dire, parce qu'on n'est pas encore dans le nerf du travail de faire l'album au complet en vinyle et en CD. Et peut-être en cassette aussi, peut-être en cassette audio. C'est vrai que ça revient également, et c'est un format qui est quand même assez cool, quoi, puisque lance sa cassette, on la retourne dans l'autre sens. Des fois, il y a le petit fil qui s'embrouille. Je pense qu'on a tous connu ça étant gamin. Alors, si tu le veux bien, Mousse, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton processus créatif, qui nous explique un petit peu comment ça se passe pour toi dans l'écriture de tes paroles, parce que tu es quelqu'un qui est bien sûr très connu pour ses punchlines, et on va dire sa diction tout à fait particulière et qui est vraiment incisive. Je pense pas que tu sois vraiment, on pourrait dire, un pur chanteur de métal, mais en tout cas ta grosse personnalité dans le style qui fait tout simplement l'âme de ton groupe. Alors qu'est-ce que tu en es au niveau de ton processus créatif? Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit un peu tous les jours, etc., dès qu'il a une idée, dès qu'il entend quelque chose à la radio, dans l'actualité, puisque tu traites quand même beaucoup de ça dans tes paroles, ou alors est-ce que tu écris uniquement lorsque tu as de la musique qui est composée par les membres de ton groupe? Ah bah les deux. Alors absolument oui, j'écris tous les jours, c'est un minimum. Je m'oblige, mais c'est mon métier. Enfin, tu vois, c'est quelque chose que je fais tous les jours. J'écris des fois sur un thème. Et voilà, et je j'ai des cahiers remplis, hein. J'ai fait que l'écrire à la main, hein. Je fais rien sur ordinateur, c'est impossible. Je mettrai 2 jours à écrire ce que je fais en même pas une heure. Enfin bref, j'écris tout à la main, je ne travaille jamais sur ordinateur, sur un clavier, jamais. À part pour retranscrire le texte final, pour envoyer à la maison de disque, ou pour l'album. Mais voilà. Alors j'écris tous les jours sur les thèmes qui des fois me passionnent. Je dis tiens, il faut que j'aille voir un texte de Platon parce que ça me rappelait un truc. Bah, je vais là-dessus. Je vais pas tout lire Platon, pas du tout. Je vais lire ce qui m'intéresse. Des fois ça peut être juste un texte et pas forcément un livre entier. Ça peut être, comme tu dis, ça peut être c'est politique ou pas. Des fois, c'est juste littérature. Je vais creuser ce que Céline, Louis Ferdinand Céline, a fait en tant qu'auteur, pas forcément en tant qu'écrivain. Alors, je connais un peu quand même au niveau de certains livres. J'en ai lu quelques-uns. Mais pas tout. Mais donc, voilà. J'écris tous les jours et des fois, c'est des choses qui me traversent, bim, comme un musicien. Qui a une mélodie qui vient en tête, quoi. S'il n'a pas une guitare à portée de main ou un petit piano, je ne sais pas, Alors il le fait à la bouche maintenant sur son dictaphone, sur son portable, blablabla. Parce que si c'est une mélodie qui te hante, il faut que tu la notes. Si t'es musicien, tu vois, t'es instrumentiste. Et ben moi c'est pareil. Dès quelque chose qui sur des bouts de papier, sur des factures de restaurants derrière, j'entends un mot. En fait, des fois, ça peut juste un mot. Je cherchais une rime. Parce que moi, j'ai pas de dictionnaire de rime chez moi. J'en ai pas. Il faut que ça vienne. Faut que ça me vienne. Il faut pas que j'aille la chercher. Comme les rappeurs, oui. En un morceau. Enfin, les rappeurs, ils ont brûlé le dictionnaire des rimes, quoi. Alors, il y a plus de fond, en fait, quoi. Il y a que de la rime, en fait. Et donc, des fois, c'est un mot qui me vient. Je dis, ah, putain, c'est la rime que je cherchais. Ah, c'est le mot improbable que je cherchais. Et puis, avec un double sens, voilà. Donc, je note. Voilà. Donc, j'ai plein de bouts de papier, plein de feuilles volantes, plein de cahiers de brouillon. Et voilà. Et à un moment donné, quand il faut faire des tests, et ben, je filtre tout ça. Je filtre et je catégorise politique, pas politique, poétique, exercice de style, que des punchlines qui vont parler de politique ou des punchlines qui vont être dans la poésie ou des punchlines qui vont être philosophiques ou des punchlines qui vont être du Audiard de base. Enfin, voilà, je vais pas me comparer à Audiard, mais dans le style, voilà, je veux dire populaire, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un boulot de tous les jours. C'est ce que disait Jacques Brel. Le talent, c'est 99% de travail, en fait. C'est ça. Et ensuite, lorsque tu vas, on va dire, organiser ça autour d'une chanson, tu vas piocher un petit peu dans chacune des catégories que tu nous disais, et tu vas, on va dire, organiser tout ça. Tu penses que ton travail d'écriture, il doit se faire de manière... on va dire presque automatique, ça doit venir d'un coup, ou est-ce que, au contraire, ça doit être quelque chose qui doit être retravaillé, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Ah, mais jusqu'au bout, je suis jamais content. Il y a des choses que je veux parfaire ou perfectionner, quoi. Il me semble qu'il faut que je perfectionne. Et à chaque fois, là, le groupe me dit, mais non, j'ai changé quelque chose qui, pour moi, était bien, était mieux, plutôt. Et les autres, ils me disent, mais pourquoi t'as changé ça? C'était mortel, mais non, fallait pas. Je dis, mais si, parce que ça a plus de sens quand j'explique. Pour moi, ça a plus de sens. Et eux, ils disent, mais non, mais, oh non. L'autre était plus simple et efficace. Celui-là, il est peut-être bien pour toi, mais il est tortueux. Il y a trop trop complexe, en fait. C'est bien, ils me disent, c'est mortel, hein, expliquer. Alors, des fois, je résiste, je dis, non, je laisse comme ça, je garde ce que j'ai changé. Et puis, des fois, je reviens en arrière, je dis, vous avez raison. Des fois, le mieux pour moi, enfin, le mieux peut être l'ennemi du bien, quoi. Des fois, il faut laisser les choses comme elles sont bien. Ça sert à rien de faire mieux. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. C'est un peu suivant l'humeur, suivant le ressenti. Voilà, c'est toujours comme ça. Et des fois, il y a des choses que je pensais vraiment pas bien. J'ai pas d'exemple, mais j'ai pas réfléchi à la question. Il y a des choses que j'étais pas content d'avoir cédé. Et au final, je suis hyper content d'avoir cédé. Donc, faut écouter aussi autour. Je suis pas obtus. À part quand ça on change pas. C'est comme ça, je suis sûr de moi. Voilà. Il y a des choses où je suis un petit peu ouvert quand même. Je suis pas fermé, quoi. Vraiment pas. Au contraire. Et puis ensuite vient le moment du studio. Alors, comment est-ce que vous procédez? Beaucoup de groupes maintenant font des maquettes très précises, des chansons. Toi, on sent que tu as besoin quand même d'une certaine forme de spontanéité. Ouais. Est-ce que tu vas présenter un petit peu ton texte sur des maquettes aux mecs du groupe pour qu'ils puissent avoir une vision globale du morceau, ce qui est quand même important? Plus ça va, moins j'étais cool avec ça. Pas j'étais cool, mais c'est que je suis pas content. Enfin, oui, il y a des choses. Les gars, fais-moi confiance. Non, j'en ai fait pas confiance. Il y a deux trois. En fait, depuis trois ou quatre albums, je pense qu'ils ont connaissance de un tiers des textes avant. Un morceau sur trois, quoi. Ouais. Et le reste, c'est la découverte. Je leur donne que ce que je suis vraiment convaincu, vraiment. Et ça peut encore changer, des fois, en arrivant en studio, je le sais, mais voilà. Je leur donne que ce que je... Voilà. Et ce qui me paraît être puissant et convaincant pour me laisser tranquille, pour travailler le reste. Pour leur dire, voilà ce que je fais de puissant, entre guillemets, ce qui me paraît être bon. Hein. Et le reste va être dans cette même veine, j'espère. Mais j'ai besoin de temps encore, voilà. n'arrive pas à tout donner d'un coup. Même si je sais que j'ai de quoi, mais c'est pas concis encore pour moi. Et quand c'est pas concis, j'aime pas. Donc avant, on était vraiment jusqu'au 5e, 6e album. Il y avait toujours, on faisait une maquette, bim. Il y avait 7, 8 titres. Et il y avait au moins, toujours sur 6 titres, au moins les deux tiers, il y avait toujours deux tiers où j'avais posé des textes, quoi. Au moins des idées, quoi. Pour qu'ils se fassent une idée, même du placement, de l'intention, même si le fond pouvait changer. Mais là, non. Depuis 3-4 albums, plus ça va, moins je leur donne du grain à moudre, mais ils me font confiance. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense que maintenant, après 30 ans de travail, d'écriture, et puis d'arriver à créer son identité, son style, son univers, oui. Vous avez atteint est-ce que tu dirais que vous avez atteint une certaine forme de maturité musicale et expressive? Ah, mais oui. Avant, j'avais du mal un peu avec ça. Mais oui, voilà, depuis un moment quand même là, depuis 2-3 albums, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut en qualité, on sait ce qu'on veut en implication de chacun, ce que ça doit donner, et voilà, et on sait quand on est tous contents, quoi. On le sait, et on veut ça, on a encore cette fibre créatrice ou créative. De pousser des fois les morceaux et puis de se dire ce qui va, ce qui va pas, on n'est plus, il y a pas de guerre d'ego, quoi, vraiment pas, quoi. Exactement. On peut rentrer un peu en jeu, j'imagine, sur certains types de trucs, on a tous un ego évidemment, mais c'est vraiment pas un critère qui rentre en compte, c'est pas tu parles le dernier qui a raison, pas du tout, c'est vraiment démocratique, on réécoute, il y a vraiment quelque chose qu'il faut changer parce que ça plaît pas à quelqu'un, bah, on réécoute et on fait le changement. Et des fois, on revient à la première idée, en fait, quoi. Donc, voilà, on n'est pas obtus et on s'interdit pas de changer ou d'écouter à la dernière minute des idées qui bouleversent des fois un morceau et des fois, c'est la bonne solution ou le bon choix. Donc, on n'a jamais eu de regrets ou de remords d'avoir fait un tel et tel choix à la dernière minute ou... Et puis, je pense qu'il faut quand même garder une certaine forme de spontanéité en studio. Certains groupes vont tout prévoir de A à Z. Voilà, se laisser une certaine forme d'expérimentation, c'était quelque chose peut-être que les groupes faisaient un peu avant qu'on ait accès justement à toute cette forme de maquette de très précise qu'on peut faire, ce qui est quand même génial pour au niveau du travail technique, on pourrait dire. Mais voilà, le fait d'expérimenter, d'avoir des idées, de se dire attends, là on va changer, je vais faire un truc un peu freestyle, on pourrait dire, et essayer d'expérimenter tout ça, ça peut être justement le fait de créer quelque chose d'assez unique, à mon sens. Ah bah moi je vais peut-être décevoir des gens ou surprendre des gens. Moi, une fois que j'ai fait toutes mes voix en studio, après, en fin de session de chaque morceau, on a choisi déjà tout ce qui va être sur l'album. Et même une fois que l'album est pressé, ça peut durer deux, trois mois. Et je réécoute pas l'album, très rarement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait les répètes de l'album pour la tournée, j'ai pas réécouté exactement au millimètre près comment j'ai placé mon texte ou l'intention. Je me le réapproprie. Je le redigère, mais je réécoute pas l'album pour me dire comment j'ai chanté. Jamais. D'ailleurs, des fois, ils m'en veulent. Ils me disent, mousse, putain, sur l'album, c'est pas comme ça. Enfin, il fait, mais non, parce que moi, ton chant, quand il tombe là, moi, c'est mon repère. Et là, je sais que lui, il en profite pour faire un truc, un break un peu bizarre. Enfin, bizarre, un peu arythmique, tu vois, il dit, mais si j'ai pas ta voix à ce moment-là, je suis mort, et il me plante, donc je suis obligé de réécouter l'album, de savoir, alors je l'ai fait des fois spontanément en studio, et je suis là, putain, comment j'ai mis cette phrase-là, comment j'ai réussi à la mettre comme ça, quoi, j'arrivais même pas à la refaire, quoi, tu vois, donc je suis là, putain, faut que je réapprenne des fois, donc voilà, rien n'est fixé, il y a une intention pendant l'album, après il y a une autre intention pendant la tournée, et souvent, pendant pendant la tournée, je chante pas forcément exactement pareil que sur l'album. Je me place au même moment quand même, mais des fois les intentions. Je suis pas, je déteste me réécouter, je déteste me regarder. Je ne supporte pas tout. Je te propose de passer à un premier extrait pour ce soir avec un Assange Pass, extrait de Tenace Part 2. Bien entendu, je pense que tout le monde connaîtra, on va dire, l'inspiration pour ce texte. Ce qu'on pourra dire simplement, c'est que on a la chance nous-mêmes, toi comme moi, de pouvoir profiter de notre liberté comme on le pense et comme on l'entend surtout. Et c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Et je pense que ce morceau illustre cet état de fait de la meilleure des façons qui soit. Et avant de lancer le morceau, il faut se demander comment ça se fait qu'il n'est pas, on l'ait pas reçu en asile politique, quoi, ce mec-là. Tout à fait. C'est fou. On est le pays des droits de l'homme. Tous les jours, on reçoit des gens, des réfugiés, et c'est très bien. Ils sont réfugiés politiques, alors que c'est pas forcément la guerre dans leur pays, mais bon, peut-être que c'est des oppressions, j'en sais rien. Et on est loin de Julian Assange. Lui, c'est vraiment, il faut vraiment il fallait vraiment l'accueillir comme un réfugié politique ou en asile politique. Lui, il avait vraiment 175 ans. Il risque 175 ans de prison aux États-Unis parce qu'il a dévoilé des choses incroyables. C'est du journalisme total, c'est du journalisme absolu. C'est comme ça que doit être le journalisme. Il dit toute la vérité et aux gens. De différer cette vérité, de se faire une opinion. Tu vois, la vérité nous rendra libres. Parce que même avec toutes les vérités affichées, on pensera pas pareil de la vérité qu'on nous donne. De toute façon, on ne la va pas interpréter tous pareil. Donc, autant que ce soit la vérité, plutôt qu'un demi-mensonge, voire un mensonge. Voilà. Julian Assange, journaliste absolu, je vous laisse avec le morceau. Yes, yes. Un Assange passe, extrait de Tenace Partout par Massisteria. Ce sera sur la scène du Fil de Saint-Étienne le vendredi 15 mars, vendredi prochain. Franchement, la prod de Fred Duquesne, c'est vraiment de la balle. C'est du gros, gros son. Franchement, ça fait envie. Un son comme ça, puis j'imagine que lorsqu'on a un son aussi large et imposant sur scène, ça doit porter, on pourrait dire. Ah ben oui, on a des retours parce que nos techniciens, maintenant, plus de 10 ans maintenant qu'ils tournent avec nous, voilà, ils sont très au fait de ce qu'on veut. Enfin, même on leur fait confiance, ils savent très bien qu'on veut un son massif, large, on leur donne même des références quand on va avoir des concerts ensemble, dans des festivals. On se dit, ah quoi. Par exemple, il y a une espèce de... Au sein de match, je ne citerai pas de nom, ils sont... au sein des musiciens, ils sont mais impressionnés par le son de Bring Me the Horizon, par exemple, en live. Ah oui. Le son, hein. Après, moi, je trouve, depuis les trois albums, c'est du Linkin Park, ça m'énerve un peu, mais j'aimais bien le début, un peu après, et là, j'aime pas trop les deux derniers albums. Enfin, bref, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'en live, ils ont un son de bazar, quoi, vraiment. Quoi. Donc, on se demandait s'ils trichaient pas avec des, comment on appelle ça, il y a beaucoup de groupes américains qui font ça, ils arrivent avec des avec le Pro Tools sur le côté de scène et tout, avec des bandes son de l'album, et puis balance des voix, des guitares, parfois même des kits de batterie des fois. Certains groupes ont même des kicks, des grosses caisses de batterie qui sont préenregistrées et diffusées dans la sono. Ah oui. Ça a déjà été vu. Nous, on a un pied, sur certains morceaux, on a un pied techno, un infrason, poum, poum, poum, poum, ça, on en a, nous aussi. Mais on se demandait s'il n'y avait pas des doubles, triples ou quadruples guitares sur bande son pour Bring Me the Horizon, quoi, parce qu'il y avait un son. Mais... Peut-être. Enfin, moi, c'est pas forcément... Vraiment, je ne fais pas partie de ce groupuscule qui... je trouve que le son, il est gros, hein, de Bring Me the Horizon. Mais je suis pas certain que ce soit le son qu'il nous faut, quoi. Je suis pas certain. Je trouve que déjà, on sonne. J'aime bien le côté rock'n'roll qu'on a. J'aime bien. On pousse, on est au maximum de ce qu'on peut donner au niveau de largeur, de profondeur de son, d'épaisseur. Ce que peut avoir Korn sur certaines prods, des fois en live. On n'est pas accordé aussi grave qu'eux, mais voilà. J'aime bien le son pur, hein, quand même. Ouais. Mais de là à ce que ce soit tout clinique, comme il y a aujourd'hui, il y a quand même, on peut parler de Landmarks, tu vois, par exemple, ou même de 1056, la nouvelle génération, quoi. Ils arrivent sur scène, et c'est hyper, t'as l'impression que c'est hyper produit, quoi. Mmh. Bon, après, il y a des trucs techniques derrière, font que, enfin, je veux dire, c'est pas des tricheries, hein, c'est qu'au niveau des ce qu'ils ajoutent en guitare, je suis nul en explication technique, je suis super nul. Je pense que c'est aussi. Et voilà. C'est une façon. C'est plus pourquoi on est parti là-dessus. De produire. On parlait simplement du son de masse, mais moi j'aime bien le son que vous avez, à la fois sur scène et puis sur l'album. Les prods de Fred Duquesne sont toujours super bien, quoi. Et t'as pas l'impression que c'est moins. Non. Au niveau du son, t'as pas l'impression? Ah non. L'album, le concert est fidèle de ce que l'on a pu entendre précédemment sur les disques, etc. Donc. Non, il n'y a pas vraiment de... T'as l'impression de même puissance, de force sonore. D'accord, ok. Et puis, un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que vous avez su, ces dernières années, développer également un certain côté visuel sur scène, par les lumières, par des bacs, des choses diffusées dans les fonds, etc. Comment est-ce que ça vous est venu? Est-ce qu'au bout d'un moment, vous aviez l'habitude, bien sûr, de vos concerts et de vos tournées comme vous aviez l'habitude de faire? Vous êtes dit, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour donner tout simplement un peu plus, quoi? Alors, c'est venu de façon assez, empirique. C'était pour l'album Matière Noire, je crois. on s'était séparés de nos techniciens, presque de pour eux, du premier, du début. Voilà, des choses, voilà. Il y a des choses qui voilà, il y a plus d'alchimie à un moment donné, tu vois, il faut renouveler le l'équipe autour de soi. Et c'était douloureux parce qu'on est vraiment, on est un groupe vachement basé sur l'affection ou l'affectif. On travaille avec des gens qu'on aime au maximum, tu vois, je crois même que oui. Donc voilà, il y a 10 ans, on va dire, il fallait retrouver un lighteux, il fallait retrouver un sondier, donc on a pris Sylvain qui est au son là, qui fait entre autres Hangman Chair et qui est basé à la cartonnerie à Reims, qui fait l'accueil des groupes dans cette max. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien le qui est un fan de métal. Il n'est pas qu'avec Massive Fire, hein. Il y avait plein de groupes, mais j'ai pas les noms en tête. Donc lui, il est venu un peu, bon, il est plus jeune que nous, donc c'est un peu la même génération. Et en lighteux, on n'avait plus de lighteux. Et Yann, il dit, putain, là, je suis allé voir il y a un mois ou deux, là, Gojira. Et c'est un Français qui fait les lumières. Je suis allé le brancher. Il faut qu'on se recontacte. Et donc, on avait réussi à brancher le lighteux de Gojira à l'époque. Nicolas Rio. Et ce mec-là, en fait, Nicolas Rio, a monté une boîte avec un collectif de lighteux dans la même veine. Enfin, tu vois, Gojira, déjà, bon, déjà, c'est un petit génie, déjà, ce mec-là, Nicolas Rio, c'est un petit Français du côté de Nantes, je crois, de Loire-Atlantique. Donc, il a monté une boîte avec des collectifs qui s'appellent, en plus, avec une dose d'humour, c'est Chirac Design. Et c'est eux qui nous font, depuis 10 ans, ils appellent ça des light design, justement. C'est-à-dire chaque chanson est un tableau. Ils partent de ce postulat. Chaque chanson est un tableau. Ils veulent que ce soit artistique. Donc, ils veulent savoir de quoi je parle, les profondeurs. Enfin, ils jouent, ils sont au rasoir avec les ambiances, les changements. Et donc, on bosse avec eux depuis 10 ans. Et ils ont ouvert depuis 5-6 ans une autre structure qui fabrique un décorum sur scène, enfin du décor en fait. Ils ont fait Perturbator par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Perturbator en tournée. Je connais, mais c'est vrai que j'ai jamais eu la chance de les voir. Il y a un grand patagramme derrière, enfin, lumineux, enfin, ça va avec le style et tout. C'est Chirac Design. Donc les mecs, en fait, sur scène, on s'est pas dit, tiens, il faut du décorum, en fait. Déjà, on voulait des lights de dingue. On a réussi à débaucher le light de Gojira. Après, lui, il est parti aux États-Unis, il bossait avec Marilyn Manson, entre autres, etc. Et donc, on bossait avec la base, avec ses potes en France, qui défoncent autant que lui, hein. C'est des disques, c'est des gamins de 30, 40 ans max. Enfin, tu vois, ils sont entre 25 et 35, tu vois. Donc voilà, on est avec cette petite nouvelle génération de gamins qui en sont rasoir et sont ils sont très au fait de ce qui se fait, et je veux même savoir à chaque fois ce qui est nouveau, parce que ça change très vite. Tout change très vite, tu vois, on a la chance d'avoir Fred aussi. Au sein du groupe qui est très au fait de du son. Et voilà, on peut discuter de façon très, très, très technique. Et Fred, il nous traduit, et voilà, des fois on comprend pas trop, mais il peut nous traduire, voilà, que les gamins veulent, la nouvelle génération de techniciens veulent. Donc voilà pourquoi Massifaya, maintenant on a du décorum sur scène, mais c'était pas quelque chose de voulu à la base. T'es venu comme ça, dit, ah bah ouais, putain, ça serait mortel, ah ouais, ça augmenterait peut-être. Déjà, on était contents déjà du visuel depuis 7-8 ans, parce que ça fait 3-4 ans maintenant qu'on a, même non, ça fait que cette tournée, hein, qu'on a un vrai décor. Donc voilà, je digresse un peu. Mais voilà, c'est venu comme ça, c'est pas quelque chose que, voilà, on s'est dit ce qu'il fallait. Et aussi, voilà, je voulais quand même remercier notre manager, qui lui, depuis 10 ans, nous pousse à ça, en fait. Mais de façon tranquille. Il veut pas nous bousculer, mais en fait, voilà, quand on fait le bilan de tout ce qu'il nous a poussé à faire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait. Parce que lui, il voyait bien qu'on allait dans cette direction, il nous a laissé faire parce que, mais il nous a mis le confort pour qu'on aille dans cette direction parce que c'est exactement ce qu'il voulait faire et il voulait pas nous brusquer parce qu'on était, déjà moi, je voulais pas de ear monitor. Tu sais, les ear monitor, c'est les oreillettes. Tu vois? Déjà, avant d'avoir des ear monitor, je les ai depuis cette tournée-là. Mais déjà avant, le HF, j'étais contre, quoi. Je voulais même pas de HF, moi, de micro HF. Je voulais un fil. Voilà. Je voulais rester route. Je voulais rester rock'n'roll. Mais après, bon, voilà. Yann, il se prenait les pieds dedans. Enfin, bref. Des fois, ça devenait burlesque, tu vois. Que je veuille absolument mon fil. Ça allait casser les couilles du guitariste. Ils étaient tous, eux, en HF, évidemment. Voilà, pour mieux bouger. Voilà, je faisais mon vieux old school à la Val de la Roca, tu vois. Ouais. Alors, maintenant, vous êtes signé avec Out of Line Music. Est-ce que ça vous développe une certaine forme d'exportation? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Out of Line Music, c'est un label allemand un peu spécialisé dans tout ce qui est métal à tendance industrielle, on pourrait dire. C'est ça. Pas que, mais voilà, la veine un peu de base, il essaie de diversifier, mais oui, c'est ça, exactement, Out of Line, en Allemagne, et André, d'ailleurs, le gars, il s'appelle André, le mec qui s'occupe de ça, il est allemand, hein, mais il s'appelle André, c'est rigolo, et il est fan de la France, déjà, ce mec-là, on est fan de la bouffe et du pinard français, donc déjà, on s'est bien entendu pour les premières réunions, apprendre à se connaître. Et puis c'est un gars qui est passionné, quoi, qui est vraiment assez à la pointe de la nouvelle du streaming et tout ça. Nous, on est à armoire totale. Donc lui, ça nous a apporté quelques festivals dans l'est de l'Europe. Notamment, on a fait l'Allemagne, on a fait la Slovaquie, je crois. On a fait la Hongrie et je sais plus quoi d'autre. Donc voilà, ça commence à porter ses fruits d'une certaine façon. Apporter ses fruits, voilà. Et puis après au niveau des écoutes via leur site à eux, on voit que on nous écoute de quatre coins du monde, quoi. Donc oui, c'est une lucarne, pour pas faire de mauvais jeu de mots, un vasistas. Sur une fenêtre, un petit vasistas sur l'international. Chose qu'on n'avait presque pas, quoi. Donc, pas du tout. Alors maintenant, avec. Donc il fait un bon boulot, Avec 10 albums et demi, on pourrait dire, si on compte les deux parties de Tenas au compteur, comment est-ce que vous établissez la setlist de la tournée? Et voilà, je sais que vous avez déjà commencé les concerts alors que Tenas Part 1 était sorti, puisque je vous avais vu entre la sortie des deux albums. Je vous avais vu au Plein Air Fest au mois de juillet cet été. Équilibrez les titres et les époques et les énergies différentes que l'on retrouve dans votre musique? Alors, pour le gros squelette des setlist depuis, je sais même pas, peut-être depuis le début, mais bon, en tout cas, depuis 20 ans, c'est sûr, c'est Raphaël, le batteur, qui est un peu le poumon du groupe, lui, hein. Et on s'en remet à lui, parce qu'il sait, il dit, on commence par ces 3 ou 4 là, ça met dans l'ambiance, puis après on fait un break, et on repart avec ces 3 là, naninana, enfin, voilà, il a un sens de l'équilibre au niveau de l'énergie des morceaux, etc., etc. C'est surtout Raphaël. Donc, il apporte un peu un gros squelette avec un peu de chair. Et nous, on dit, ouais, mais après, Yann aussi, il est très, très... il est assez d'accord avec Rapha, mais voilà, il y a aussi ces morceaux qu'il aime bien et qu'il défend, alors que Rapha, pas forcément. Moi, je suis neutre. Moi, je fais vraiment confiance à Rapha et à Yann, et après au ressenti des autres. Et après, il y a des morceaux qu'on veut mettre, mais pas forcément Rapha, pas forcément Yann, mais on va dire à 50% c'est Rapha, 20-30% c'est Yann et le reste c'est moi, Jimmy et Fred, quoi. Okay. On va dire 50-25-25. mais ça se fait comme ça. C'est surtout Rafa qui donne le pouls. Voilà, je reviens encore au poumon parce que c'est quand même lui le batteur, c'est le rythme, c'est vraiment les poumons, le cœur, enfin pas le poumon, la pulsation. C'est le poumon. La pulsation, voilà, la pulsation. Donc voilà, c'est Nuclear Man, et là on est en train de travailler justement pour le Zénith de 2025. Exactement. Parce que ça, il faut qu'on va faire un best-of, donc on va passer en revue 10 albums, 30 ans de carrière. Et là, voilà, on est en train de. Je pense que le Hellfest va être un peu un. Non, c'est pas du tout. Ouais. J'allais dire, ça peut être une esquisse de. Non, mais pas du tout. C'est carrément autre chose. On met pas de très très vieux morceaux au Hellfest. Donc, mais cette tournée, on va commencer à intégrer des morceaux qu'on n'a pas joués depuis longtemps, qui vont être joués, je pense, au Zénith. Pour les pour le comme best of, et peut-être pourquoi pas faire une petite tournée de best of dans des plus petits cadres, peut-être plus rock'n'roll comme j'aime bien, peut-être, tu vois. Ouais. Et justement ce concert au Zénith de Paris en janvier de l'année prochaine 2025, est-ce qu'il viendra terminer d'une certaine façon le cycle Tenace? Oui, complètement, avant de partir sur une autre chose, un autre album, et ainsi de suite. Ah ouais, parce que Yann, le guitariste, il a déjà des dérives. Il dit, les gars, je suis chaud bouillant, là, j'ai des riffs qui me viennent en tête. Il dit que s'il pouvait enregistrer la semaine prochaine, il serait déjà en studio. Quoi. Moi, c'était pas mon cas du tout. Mais pourquoi pas faire 2-3 morceaux dans l'urgence, pourquoi pas. Je lui ai dit pourquoi pas, ouais, c'est bon, quoi. Je vais pas mourir, quoi, d'essayer, toi. Donc voilà, on n'en est pas loin de repartir à composer, peut-être un EP, je sais pas, je te dis des bêtises, mais c'est pas des grosses bêtises. En tout cas, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait avec ne serait-ce que les tournées et puis la sortie de Tenace Part 1 et Part 2. Alors je sais pas si tu dis partie 1 ou partie 2 en français, mais en tout cas c'est une superbe collection. Une superbe collection de morceaux. Je te propose de terminer l'interview par l'inversion d'épaule, qui est le premier morceau extrait de Tenace Part 2, dans lequel avec lequel vous avez tourné un super chouette clip à Los Angeles, oui, il me semble. Exactement, dans l'arrière-pays, dans le désert. Donc on invitera tous les auditeurs à aller le zioter un petit peu sur YouTube après l'émission. Ah, il y a old school, hein. on a voulu faire les bons vieux clips des années 90, tu vois. Ouais, il y a un peu cette vibe et ce côté un petit peu innocent qui fait du bien et qui est une certaine forme de respiration. Alors, on va dire de lâcher prise. Le postulat, je vais juste finir là-dessus, ou clore un peu là-dessus. Pour le clip, on voulait un truc un peu à la route, mais parce qu'il y avait plein de gens qui nous disaient « Ouais, on vous voit jamais dans vos clips, on n'est jamais… » voilà. Souvent, les clips que vous avez faits ont été quand même assez sombres, lorsqu'il y a quand même un sujet un petit peu lourd derrière, etc. Alors qu'ici, on a quelque chose d'un peu plus léger. Le soleil, des grands espaces. En tout cas, super cool. Donc, on le rappelle encore une fois. Tu as tout compris. Et encore une fois, ce sera du côté de Saint-Étienne la semaine prochaine au Phil, le vendredi 15 mars, Massisteria et Cold Altes. Ça devrait être une superbe soirée qui s'annonce presque ça complète. Va être cool. La dernière fois, on en reparle encore. Parce que je vais vous dire, dans notre équipe technique, il y a un gone. Il y a un petit gars de Lyon. Et il nous a dit... Bon, il y a la petite rivalité de Lyon-Saint-Etienne, tu vois. Mais c'est une rivalité folklorique. Hein, bien sûr. C'est pas haineux. Mais après ce concert, il me dit « Putain, vous êtes vraiment des sales connards. » Franchement, je suis obligé de le dire. Il me dit « Putain, le public ce soir, il était dingue, quoi. » Je suis obligé de le dire. Il me dit « Ça, ça, tu sais, là, il saignait de la bouche presque, tu vois ce que je veux dire ?» parce que le public était mortel. C'était, voilà, c'est Saint-Etienne. Il y a un côté comme à Lens ou comme, tu vois, je veux dire, il y a un côté fan de musique, mais supporter. On essaie d'en profiter, quoi. On n'a pas énormément de concerts ici, donc quand il y en a, c'est un petit peu la célébration, on va dire. Et j'espère que ce sera également. Non, mais quand vous aimez les choses, vous les aimez vraiment à bloc. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, exactement. Comme votre ferveur. Je sais pas si t'en fais partie, hein, la ferveur footballistique. Oh, pas trop, pas trop. Stéphanoise, c'est quelque chose qui te dépasse et qui existe avec ou sans toi, mais elle existe. Ferveur stéphanoise, les Verts. Enfin, c'est quand même dans la culture française, tu vois. Il y a quelque chose qui vous. J'ai travaillé pour la SS. Pardon. T'es obligé de faire avec. Comme en Bretagne, tu vois, surtout dans les petits clubs dans lesquels il y a quand même beaucoup de ferveur et d'ambiance, malgré les résultats qui ne sont pas toujours au fait. Mais voilà. Parce que ça reste du jeu, quoi. Ça reste du divertissement, de l'amusement, quoi. Exactement. Mais c'est à faire sérieusement, quand même, parce que quand même, les mecs au foot sont payés des millions, quoi. Ouais. Bon, faut mouiller le maillot aussi, c'est du divertissement, mais faut la jouer sérieux quand même, tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, comme quand on fait un concert, comme nous sur scène, tu vois, aussi. Nous on s'amuse sur scène, mais c'est du travail derrière, c'est justement parce qu'on estime maîtriser un peu notre métier qu'on peut s'en amuser, quoi, et pas se prendre au sérieux, parce qu'on a travaillé sérieusement en amont. Mais si t'es pas sérieux en amont, et en plus t'es pas sérieux le jour J, bah tu passes pour un clown, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, tu mouilles pas le maillot, t'es... Voilà. Donc voilà, je sais plus pourquoi on parlait de foot, mais voilà, je parlais de la ferveur stéphanoise, qu'elle soit du foot, ou dans la musique, ou dans la vie de tous les jours, dans les petits bonheurs autour d'un verre sur une terrasse, vous faites partie de cette ferveur gauloise caractéristique. Eh ben en tout cas, on va se quitter sur ces bonnes paroles, Mousse. Franchement, la semaine prochaine, ça devrait être une belle soirée encore une fois. On envoie ça avec l'inversion d'épaule par Massisteria. Les théories ont du vrai, les théories ont du faux, toute philosophie tient. Yes, encore une fois, on remercie de tout notre cœur à Radio Dio Mousse de Massisteria pour la fantastique interview ce soir, encore une fois, du côté du fil de Saint-Étienne, le 15 mars prochain. C'était l'inversion des pôles. On repasse et on continue maintenant avec une autre grosse sortie actuelle. Il s'agit du dernier album de Bruce Dickinson, Afterglow, The Mandrake Project. On avait passé la semaine dernière Afterglow of Ragnarok, le premier, et on enchaîne avec le deuxième morceau, Many Doors to Hell. We'll be right back. Bruce Dickinson, Many Doors to Hell, extrait de cet album The Mandrake Project, son dernier album solo en date. Et on va rester dans du heavy metal traditionnel avec les Frenchies de Furies qui nous sortent leur dernier single, ça s'appelle Stars of Burning Lands, le premier single sur lequel on retrouve la chanteuse ici, Cheyenne, qui est dans le groupe. Elle a été sur le télécrochet The Voice pendant quelques années. On a également un nouveau guitariste qui fait suite donc, à l'album sorti en 2020, qui était l'album Fortune's Gate, une petite bombe de heavy metal mélodique. La suite devrait être du même AKB et de la même qualité musicale, avec ce Stars of Burning Land qui devrait ravir les fans de power metal. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre le groupe X-Order avec son album Defectum Omnium sorti sur le label Nuclear Blast. Et on va revenir maintenant à du Black Death avec Neko Wretch pour quasiment terminer Overdrive. Ce soir, ce sera Swords of Jalal qui sort sur Season of Mist Records. Yeah. Voilà, 22h56, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se quitte au son de ce Oakland Trail repris par John Norum, originellement composé par Phil Lynott et Finn Lazy. On remercie encore une fois Mousse pour la fantastique interview de Massisteria ce soir. On rappelle le concert au Fil de Saint-Etienne le 15 mars prochain. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 d'Audio. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-duo. On rappelle également le www.radioduo.org, facebook.com/overdrive-radio-duo. Tous les bons réseaux. Merci. Ciao. Bye bye. Flashing lenses, this mysterious space. The vampire advances, the war of thoughts may break. It clears your pain, but it's got your pain. Must be seen, my love. No one to blame, no shame. You crave again and again, my love. No use to plead, from you it feeds. Don't grieve, my love. Oh, it's got you, my your